Je quittai Marthe, sans prendre les moindres dispositions pour correspondre, presque sans lui dire au revoir. À mon arrivée chez mes parents, ma mère remarqua que j'avais les yeux rouges, mais je n'avais plus à essuyer des scènes de ma famille. À 9 ans, j'étais devenu étranger pour mes sœurs. Mon père me conseillait des distractions. Je guettais, dans ma prison familiale, les moindres signes de délivrance. À force de guetter des bruits qui pouvaient annoncer quelque chose, mes oreilles, un jour, entendirent des cloches. C'était celle de l'armistice. Pour moi, l'armistice signifiait le retour de Jacques. J'étais perdu. Depuis quelques jours, aucune lettre ne me parvenait. Nous attendions le bébé pour mars. Un vendredi de janvier, mes frères, tout essoufflés, nous annoncèrent que le petit Granger avait un neveu. Qu'est-ce que c'était que cet enfant que nous attendions pour mars et qui naissait en janvier? Toutes les explications que je cherchais à cette anormalité, c'est ma jalousie qui les fournissait. Tout de suite, ma certitude fut faite. Cet enfant était celui de Jacques. N'était-il pas venu en permission 9 mois auparavant? Ainsi, depuis ce temps, Marthe me mentait. D'ailleurs, n'avait-elle pas déjà menti au sujet de cette permission? N'avait-elle pas d'abord juré, cette pendant ces 15 jours maudits, refusé à Jacques, pour m'avouer, longtemps après, qu'il l'avait plusieurs fois possédé? Mais je la suppliais de m'aimer quand même. J'acceptais presque cet enfant de l'autre. Mais, avant même que j'eusse fini ma lettre, j'ai reçu une de Marthe, débordante de joie. Ce fils était le nôtre, né 2 mois avant terme. Il fallait le mettre en couveuse. « J'ai failli mourir, » disait-elle. Cette phrase m'amusa, comme un enfantillage. Dans sa lettre, Marthe me disait encore, « Il te ressemble. » Chez les Grangiers, aucun doute ne subsistait plus. Il maudissait Marthe, mais s'en faisait des complices, afin que le scandale ne rejaille pas sur la famille. Le médecin, autre complice de l'ordre, cachant que cette naissance était prématurée, se chargerait d'expliquer au mari, par quelques fables, la nécessité d'une couveuse. Les jours suivants, je trouvais naturel le silence de Marthe. Jacques devait être auprès d'elle. Aucune permission ne m'avait si peu atteint que celle-ci, accordée au malheureux, pour la naissance de son fils. Dans un dernier sursaut de puérilité, je souriais même à la pensée que ce jour de congé, il me les devait.